Tous les jours me charme, t'as des femmes à qui tendrait mon âme. Avec elle j'accumule les ennemis, avec elle j'accumule le halal. Oui, on fait du vivre, c'est pas le vivre qui nous fait. Mais pour jamais je me méfie, m'en frappe un poison dans le verre. Maman, je me perds dans cette vie. Le halal de la tête à me guide. Moi j'ai fait dans les récits, mais j'ai fait du bien aussi. La misère m'assassine et la richesse me fascine. Oui, l'idée c'est pas facile. On viendra me venger si je me fais buter. Et si je me tue, j'aurai déjà caché le butin. Tu m'en veux, tu jacques sur ma vie. Fais la tienne si tu veux mon avis. Ils sont pleins de haine et ils parlent de paix. L'hypocrisie est leur meilleur ami. Tous les jours ça se répète, tous les jours le même casse-tête. Elle est mise ma faute, elle est mise ma perte. Tous les jours ça se répète, tous les jours le même casse-tête. Dans la jungle, jamais, c'est sûr, c'est sûr. On finira tous dans un cercueil. D'ici là, je veux m'en sortir. Parce qu'il est fâché, il est